Avez-vous maintenant appris mon chant? Avez-vous deviné ce qu'il veut dire? Eh bien, allons, homme supérieur, chantez mon chant, chantez à la ronde. Chantez maintenant vous-même le chant, dont le nom est encore une fois, dont le sens est dans toute éternité. Chantez, ô homme supérieur, chantez à la ronde le chant de Zarathustra. Ô homme, prends garde, que dit minuit profond? J'ai dormi, d'un profond sommeil je me suis éveillé. Le monde est profond, et plus profond que mes pensées de jour. Profonde est sa douleur, la joie plus profonde que la peine. La douleur passe et finit, mais toute joie veut l'éternité, veut la profonde éternité. Eh bien, mes amis, que cela soit encore.